qu'il lui soit fidèle. Il arrive de la ville, il s'exile sur une île. Il est tranquille, ses pupilles scintillent. Il la voit, cette fille, si fragile que brindille à bille. Il vacille, sauf sur ses conscience, nous louerons la douceur des